Deuxième livre des rois, chapitre 3. Or la 18e année de Josaphat roi de Juda, Joram fils d'Achab avait commencé à régner sur Israël en Samarie, et il régna 12 ans. Et fit ce qui déplaît à l'Éternel, non pas toutefois comme avait fait son père et sa mère, car il ôta la statue de Baal que son père avait faite. Mais il adhéra au péché de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, et ne se détourna point d'aucun d'eux. Or Mesa, roi de Moab, se mêlait de bétail, et payait au roi d'Israël 100 000 agneaux, et 100 000 moutons portant laine. Mais aussitôt qu'Achab fut mort, il arriva que le roi de Moab, se rebella contre le roi d'Israël. C'est pourquoi le roi Joram, sortit ce jour-là de Samarie, et dénombra tout Israël. Puis il alla, et envoya vers Josaphat roi de Juda, pour lui dire, « Le roi de Moab s'est rebellé contre moi, ne viendras-tu pas avec moi à la guerre contre Moab ?» Et il répondit, « J'y monterai, fais ton compte de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple, et de mes chevaux comme de tes chevaux. » Ensuite il dit, « Par quel chemin monterons-nous ? » Et il répondit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Ainsi le roi d'Israël, et le roi de Juda, et le roi d'Édom partirent, et tournoyèrent par le chemin durant 7 jours, jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus d'eau pour le camp, ni pour les bêtes qu'ils menaient. Et le roi d'Israël dit, « Ah ! Ah ! Certainement l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il point ici quelques prophètes de l'Éternel, afin que par son moyen nous consultions l'Éternel ?» Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit, et dit, « Il y a ici Élisée fils de Saphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Alors Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui, et le roi d'Israël, et Josaphat, et le roi d'Édom descendirent vers lui. » Mais Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, va-t'en vers les prophètes de ton père, et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui répondit, « Non. » car l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Et Élisée dit, « L'Éternel des armées, devant lequel je me tiens, est vivant, que si je n'avais de la considération pour Josaphat le roi de Juda, je n'aurais aucun égard pour toi, et ne t'aurais même pas vu. Mais maintenant amenez-moi un joueur d'instruments. » Et comme le joueur jouait des instruments, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, « Ainsi a dit l'Éternel, qu'on coupe par des fossés toute cette vallée. Car ainsi a dit l'Éternel, vous ne verrez ni vent, ni pluie, et néanmoins cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous et vos bêtes. Encore cela est peu de choses pour l'Éternel, car il livrera Moab entre vos mains, et vous détruirez toutes les villes fortes, et toutes les villes principales, et vous abattrez tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les fontaines d'eau, et vous gâterez avec des pierres tous les meilleurs champs. » Il arriva donc au matin, environ l'heure qu'on offre l'oblation, qu'on vit venir des eaux du chemin des Dômes, en sorte que ce lieu-là fut rempli d'eau. Or tous les Moabites ayant appris, que ces rois-là étaient montés pour leur faire la guerre, s'étaient assemblés à cri public, depuis tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, et au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Et le lendemain ils se levèrent de bon matin, et comme le soleil fut levé sur les eaux, les Moabites virent vis-à-vis d'eux les eaux rouges comme du sang. Et ils dirent, « C'est du sang, certainement ces rois-là se sont entretués, et chacun a frappé son compagnon, maintenant donc, Moabites, au butin. » Ainsi ils vinrent au camp d'Israël, et les Israélites se levèrent, et frappèrent les Moabites, lesquels s'enfuirent devant eux, puis ils entrèrent au pays, et frappèrent Moab. Ils détruisirent les villes, et chacun jetait des pierres dans les meilleurs champs, de sorte qu'ils les en remplirent, ils bouchèrent toutes les fontaines d'eau, et abattirent tous les bons arbres, jusqu'à ne laisser que les pierres à Kirarezeth, laquelle les tireurs de fronde environnèrent, et bâtirent. Et le roi de Moab voyant, qu'il n'était pas le plus fort, prit avec lui 700 hommes dégainant l'épée, pour enfoncer jusqu'au roi des Dômes, mais ils ne purent. Alors il prit son fils premier-né, qui devait régner en sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille, et il y eut une grande indignation en Israël, ainsi ils se retirèrent de lui, et s'en retournèrent en leur pays.